Non, Benoît, ça c'est mon micro, non. Non, mais bah. Bon, vous avez compris, hein, dans le refrain, on fait croix. Ça c'est le cri de la grenouille, hein. Mais non, attends, et ça c'est le cri du corbeau. La grenouille, elle fait croix. Et le corbeau, il fait croix. Avec le R. Dans son étang, au milieu des canards, s'ennuie tout le temps. Fuyant les nénuphars et les pêcheurs, elle finit par se cacher sous cap de tristeur. Tout le monde sait très bien que les grenouilles c'est con. Quoi, tu dis n'importe quoi. La patrouille lui donne faim. Sur l'autoroute, elle ronge le câble de frein. La voiture percute un poids lourd, plein de grenembourg de la ville de Strasbourg. Tout le monde sait très bien que les grenouilles c'est con. Quoi, tu dis n'importe quoi. Tout le monde sait très bien que les grenouilles c'est con. Quoi, tu dis n'importe quoi. Par dormir entre deux roues, la grenouille voyageuse continue sa route derrière une dépanneuse. Tout le monde sait très bien que les grenouilles c'est con. Quoi, tu dis n'importe quoi. Tout le monde sait très bien. Broyer avec la carcasse, c'est vraiment pas drôle. La fin aurait pu être un peu plus rock'n'roll. Tout le monde sait très bien que les cochons c'est con. Attends, c'est un cochon, c'est pas une vache. Tout le monde sait très bien que les cochons c'est con. On parle de quoi là, de cochons ou de grenouilles? Wow!